Choisi d'être le rempart d'un ersatz de pouvoir. Faut se rendre compte. Y'a peut-être pas les clés qui comptent. Peut-être que je veux que ça saigne. J'aimerais tu te renseignes. N'évite pas le danger. N'évite pas le danger. La peur n'évite pas le danger. Mais la peur n'évite pas le danger. Mais la peur n'évite pas le danger. Tu sais, la peur n'évite pas le danger. Quelquefois tétanisé. Quelquefois tétanisé. Ça ne va pas durer. C'est pas la première. C'est pas la dernière. Pourtant. J'entends plein de gens qui disent dément. C'est la première fois que j'y vais moi. C'est la première fois que je vois comment l'État me traite et tout. C'est la première fois et je me demande pourquoi. Le danger ne vient pas de nous. Ça va pas durer. J'ai peur que ça saigne. Hello, hello, faut que tu te renseignes. Le loup est entré, il a montré une planche. Le loup est là, il est dedans. Play few more rounds of Monopoly. Few more. dirt monopole a few more rounds with that few more rounds of that dirt monopole a few more rounds. Let's be unaware. More rounds of that dirt monopole a few more rounds. Let's be unaware. More rounds of that dirt monopole a few more rounds. Let's be unaware. Few more rounds of that dirt monopole a few more rounds. Let's be unaware. Few more rounds. Let's be unaware, let's be unaware of it. Let's be unaware of that. Round. Let's be unaware of that. From few more rounds. More rounds. Let's be unaware. More rounds. Few more rounds. Let's be unaware of it. Let's pretend that it's not around. Of that dirt monopole. D-U-M. More rounds. Real soon and we got more. That we got three more of that dirt monopole. Few more. Four or five at least. Silence is gonna save us. More of that. La la la la. Nous ne luttons pas en majorité. Nous coopérons. Let's be unaware. More round of that dirt monopoly. More. More. Thank you. Pardon. I'm really sorry about it. I'm so sorry. attendre, ne plus espérer. Ça va keep, keep on trying, Ray. Désarçonner, faire réfraction, renvoyer le mensonge dans les corps, croire à ce que nous sentons. Mm-hmm. No way, no way, no hope. Mm-hmm. Do we fracture? No way. No hope. Renvoyer le mensonge dans les cordes, croire à ce que nous sentons, agir en conséquence, forcer la porte du présent, essayer, rater, essayer encore. Essayer encore pour rater mieux. S'acharner, attaquer, bâtir, vaincre, peut-être. Rater mieux, encore. Aller son chemin. Vivre donc, vivre maintenant. No wait, no wait, no hope. Ne plus attendre, ne plus se laisser distraire. Vivre donc. Faire réfraction. Yeah, really pretty loud. Do you hear me? Do you hear yourself? I'm so proud to share it with you, my friend, my friend. I'm not waiting anymore. I'm not. I don't wanna wait in vain. I don't wanna be this track no more. Don't wanna be. He will not make it sound. Try it, fail it. Try it again. Try it. Fail. Well, my dear friend, we are glad to be with you, with you, share. Prévu pour demain, depuis que l'univers est bouché. J'ai rien prévu pour demain et l'avenir est flippé. Mais on l'a en main. Rien ne manque au triomphe de cette civilisation, mais Alone in the dark. Again. Ah mon copain, mais comme c'est toi que je voulais entendre, mais sérieux. Comme si tu me, comme tu me fais du bien là, c'est cool, merci beaucoup. Trop cool. So...